Audiomatic. Pour amorcer la transmission 329 d'Audiomatic, les sonoristes vous présentaient le groupe québécois Sarajevo et moi, qui est composé de Julie Tremblay, ex-membre de la formation Hypnos, de Michel Mercier, qui faisait partie du groupe Handful of Snowdrops, et de Jean Ruet. Nous entendions la pièce-titre de leur plus récent mini-album, Icarus Falls, qui est à paraître incessamment. Le compositeur Rob Mazurek, qui dirige l'Exploding Star Orchestra, nous livre sans délai sa pièce Autumn Pleiades. particles of matter float down from the feet of the seven sisters in play forever. The brilliant colors of stardust are hallucinatory, creating waking dreams full of possibility. Seven sisters lost in perpetual, wandering, impetuous exploration. Could this be true? Could this be you? What inner songs emerge when the curtain of twilight is withdrawn? Are the winds of the universe and oppressive fists pushing down and leaving little space for their sovereignty? Or are the skies fields of canvas to mark wild and beautifully? Particles of matter float down from the feet of the seven sisters in play forever. Could this be true? Could this be you? Once you fell out of love, our love couldn't carry you, and I didn't even notice, for our love kept me safe from death. Les sonoristes n'ont probablement nul besoin de présenter cette voix qui résonne sur tous les continents depuis l'Islande, la voix de la chanteuse Björk, bien entendu, qui nous interprétait la composition Not Get tirée de son avant-dernier album intitulé Vulnicura, paru en 2015 et qui a été composé en collaboration avec l'artiste Alejandra García, connue pour son projet Arca. Avant Björk, nous entendions une composition de l'Exploding Star Orchestra, dirigée par Rob Mazurek, soit la pièce Autumn Pleiades, apparaissant sur le plus récent album Dimensional Stardust, sorti à l'automne 2020. Audiomatic s'en remet maintenant à la nostalgie. We'll be right back.

tradition. Awed by tradition. Awed by tradition. Thank you. À Audiomatic, nous vous avons offert la musique du groupe anglais The Orb et sa pièce Secrets, extraite de l'album Orblivion, lancé en 1997. Précédemment à The Orb, il s'agissait du projet Low Roar, mené par Ryan Karazia, et la chanson Phantoms de son deuxième album Zero, sorti en 2014. Et en amorce de séquence, c'était bien sûr le défunt groupe Joy Division et la chanson Novelty qu'on retrouve en face B du 7 pouces pour la chanson Transmission, parue en 1979. On peut également retrouver la pièce Novelty sur la compilation Substance, lancée en 1988. Audiomatic se poursuit sur la musique du projet Vinterriket, mot emprunté au norvégien et qui signifie « royaume de l'hiver ». à Audiomatic, cette séquence composée d'une seule pièce intitulée Verganglichkeit était l'œuvre du projet Winterricket et se retrouve comme piste audiovisuelle complémentaire aux quatre pièces de l'album Weissenacht des Schwarzenschnees paru en 2005. En guise de conclusion pour cette transmission 329 d'Audiomatic, nous entendrons le groupe suisse The Young Gods qui nous interprétera la chanson About Time, tirée de son album Super Ready Fragmenté, paru en 2007. Les sonoristes reprendront le cours d'Audiomatic mercredi prochain dès 17h lors de la diffusion en direct de la transmission 330. D'ici là, c'est toujours possible d'écouter les anciennes transmissions accessibles par nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici The Young Gods et la pièce About Time. C'était Audiomatic avec les sonoristes. This is about time. It's been a while. I'm glad to see you here. I'm glad to see you here. You're so clear, crystal clear. About red. Follow me after you and the space between the sounds. Oh, the space between the sounds in my head. Ou autre chose. And the winner is, oh! this is about late. Divide, don't divide, stay alive, release that molecule. I'm trying not to buy the fear. Oh, I'm trying not to sell the fear. Complicity, city, city. This is about time. This is about, this is about time. God in the subway says, yeah, God in the subway says, if the dance begins again, keep asking to be shown.